Lettre 38e. Le cheval de bronze, la marquise, perfection du jeu des acteurs dans les petites pièces, leur médiocrité dans la tragédie, liberté qu'ils prennent en jouant. L'heure du dîner est une des causes qui nuisent au spectacle. Le cheval de bronze était le spectacle par excellence cette année à l'Opéra Comique. Nous avons cru qu'en notre qualité de curieux, nous ne pouvions nous dispenser d'y aller. Et maintenant que nous l'avons vu, nous avons tous que pour la partie du spectacle et des décorations, il est d'une beauté aussi parfaite que le permet la petitesse de la salle. Du reste, quand au sortir du spectacle, nous avons été réunis en comité secret, nous avons été obligés de convenir que le plaisir que nous y avions pris n'était pas très flatteur pour nos facultés intellectuelles. Je ne sais réellement pas comment il se fait que l'on peut demeurer immobile pendant 3 heures entières, non seulement sans murmurer, mais encore avec une véritable satisfaction et ne faisant autre chose que tenir les yeux fixés sur une quantité d'objets ornés de clinquants et entourés d'une foule insignifiante circulant sans cesse au milieu d'eux. Et pourtant il est vrai que de la gaze bleue et blanche artistement arrangée et éclairée par la lumière magique de feux de Bengale, qui de tous les jouets modernes sont sans contredit les plus jolis, nous ont fait crier à chaque nouvelle manœuvre du décorateur « C'est beau, c'est magnifique !» avec autant de plaisir qu'un enfant de 5 ans qui voit une représentation de Polichinelle plus soignée qu'à l'ordinaire. La musique de M. Aubert est assez jolie, mais il l'a fait mieux que cela autrefois, et la méthode détestable de tous les principaux chanteurs m'a fait regretter que l'excellent orchestre n'ait pas été seul chargé de la musique. Madame Casimir a eu et possède même encore une voix belle et forte, mais la dernière paysanne allemande qui taille sa vigne en chantant ses airs nationaux serait en état de lui donner une leçon de goût qui vaudrait mieux que tout ce que la science lui a enseigné. Je serais tenté, si je pouvais le faire sans que ma conscience me fît le reproche d'exagérer, je serais tenté, dis-je, d'indiquer Miss Stephens et Madame Casimir comme des modèles nationaux du chant anglais et français. Elles le sont, quoique j'avoue que l'excès d'ornement dont Madame Casimir surcharge ses airs est aussi éloigné de la manière ordinaire de la France que la chaste simplicité des accents de notre sirène l'est de celle de l'Angleterre. Mais il n'en est pas moins vrai que l'une des deux est essentiellement anglaise, comme l'autre est éminemment française. On nous a dit que le directeur de nos théâtres de Londres est venu à Paris pour voir ce beau papillon chinois, afin de nous en offrir une imitation. Si cela est exact, M. Bunn retirera un grand avantage de l'étendue de ses théâtres, celui de l'Opéra Comique n'étant pas assez vaste pour que les tableaux à la fois riches et gracieux qu'offre cette pièce fassent tout l'effet qu'ils devraient. Mais d'un autre côté, je doute qu'il trouve une actrice aussi piquante que la jolie mademoiselle Fargueil, qui, dans le dernier acte de la pièce, raconte à la princesse enchantée, sa maîtresse, que ses agaceries n'ont point réussi à retenir la jeune femme qui s'était risquée dans la région magique. Et quand même il en trouvera une, je doute bien plus encore qu'elle fût accueillie avec autant d'applaudissements. Cette brillante bagatelle avait été précédée d'une petite pièce intitulée « La marquise ». Son mérite n'est pas fort transcendant, mais elle offre un modèle, d'après lequel on peut se former une idée assez juste de ses agréables nationalités françaises. C'est une petite pièce naturelle, facile, gaie, que vous pouvez écouter en riant et en sympathisant avec les acteurs autant qu'avec leur rôle, jusqu'à ce que le plaisir vous ait fait oublier qu'il existe dans le monde de la douleur et de la souffrance. Le jeu des acteurs qui se consacrent à ce genre est si parfait que la tâche de l'auteur paraît en quelque sorte se réduire à rien. Ce n'est pas seulement à un théâtre, mais à tous que nous avons remarqué la perfection extraordinaire à laquelle on a poussé le jeu de ce genre de drame. D'un autre côté, je ne sais si la muse de la tragédie est aujourd'hui mieux traitée en Angleterre qu'en France. Peut-être, cependant, à tout prendre, avons-nous quelque avantage sous ce rapport, car si la volonté d'une femme, d'une part, et le vaste océan de l'autre, nous ont privés de Mrs. Bartley et de Fanny, qui à elles deux auraient pu rendre tout son ancien éclat à notre scène, nous avons encore un Charles Campbell et une Macready, tandis que les Français n'ont personne pour remplacer Talma. Je suis à la vérité convaincu que Mademoiselle Mars Lear et Corneille et Racine aussi admirablement que Mrs. Siddons lisait Shakespeare, et que de même que notre grande magicienne, elle saurait donner à chaque rôle un sens encore inconnu. Je me rappelle qu'un jour, je suis revenu d'une des lectures de Mrs. Siddons, pleine du désir le plus ardent de lui voir jouer le rôle de Hamlet, et qu'une autre fois, je me suis senti persuadé qu'il aurait fallu arranger la scène des sorcières de façon qu'elle pût à elle seule en débiter tous les vers. De même, si j'entendais Mademoiselle Mars lire Corneille, j'insisterais pour qu'elle jouât le rôle de Rodrigue, et si c'était Racine, je ferais choix pour son début de celui d'Oreste. En attendant, comme avec toute l'admirable variété garrickienne de son talent, il serait impossible qu'elle jouât à elle seule tous les rôles dans toutes les pièces, il faut nécessairement que la tragédie se repose un peu en France aussi bien qu'en Angleterre. Pendant cet interrègne, il est heureux pour les Français, qui aiment tant à s'amuser, qu'ils aient un fonds de comédiens de tout âge, qui ne leur manquera jamais, car la nation tout entière semble douée d'un talent qui lui permettrait en cas de besoin de supplier elle-même à ce qui manquerait à la troupe. Il est rare que je rentre chez moi d'une représentation de ce genre, sans essayer d'analyser en quelque genre le charme qui m'a si fort entraîné. Mais dans la plupart des cas, ce charme est trop léger, trop subtil, pour être saisi par la réflexion. Je vous proteste que je suis souvent tenté de rougir du plaisir que me fait je ne sais quoi. Un sourire enjoué, un regard expressif, un accent comique, ajoutent à l'effet de parole, qui par elles-mêmes ne sont ni plus sensées, ni plus spirituelles que la plupart de celles que l'on entend ici dans la conversation ordinaire. Mais tout est si bien entendu, depuis le Père Noble jusqu'au moucheur de chandelle, tout est si parfaitement monté, les pièces conviennent si bien aux acteurs et les acteurs aux pièces, que rien de ce qui ressemble à une bévue ou à une gaucherie ne vient troubler le plaisir ou l'admiration que vous éprouvez. On conçoit que la composition de ces jolies bagatelles ne saurait offrir une bien grande difficulté, ce qui est évident d'après la succession perpétuelle de nouveautés en ce genre qu'offrent tous les théâtres. On peut croire que l'action même de cette composition doit devenir une source d'amusement pour ce peuple si gai et si spirituel. L'auteur examine ce qui se passe autour de lui, saisit quelques scènes piquantes ou quelques bévues risibles, ce qui apparemment n'est pas une tâche fort difficile. Le fil le plus léger suffit pour réunir les légers matériaux dont se compose l'intrigue, après quoi il s'agit de baptiser le nombre nécessaire des personnages, jeunes et vieux, aimables et ridicules. Cette liste, une fois formée et le plan arrangé, il me semble que je vois l'auteur se délectant à mettre dans la bouche de chaque personnage toutes les spirituelles impertinences que sa féconde imagination lui suggère. Ajoutez à cela une touche de sensibilité, par-ci par-là, puis un couplet sur la gloire nationale, et la petite pièce est prête à être jouée. La fabrique en est, sans contredit, fort légère, et le succès dépend plus de l'intrépide laisser-aller de l'auteur et de l'acteur que de l'esprit qui brille dans le dialogue. La grâce rougissante du bon vieux temps, que le roi Salomon aimait si fort, est aussi un peu trop sacrifiée par les actrices, sans doute par la crainte de nuire à l'éclat et à la vivacité de leur jeu. Mais je crois que ces dames calculent mal le prix des avantages auxquels elles renoncent. Mademoiselle Mars pourrait au besoin leur apprendre que la délicatesse et la vivacité ne sont point inséparables, et quoique j'avoue qu'il serait déraisonnable d'exiger que toutes les actrices de vaudeville de Paris ressemblassent à Mademoiselle Mars, je ne puis m'empêcher de penser que dans une ville où la manière de jouer la comédie est depuis tant d'années regardée comme le type de la perfection, il doit être inutile de chercher à plaire par des moyens qui y sont si directement contraires. Le jeu des acteurs est facilité ici, dans la comédie, par une liberté qu'à Londres on leur accorde aussi quelquefois, mais peu souvent. Pour réussir et même pour être supportée, elle exige que les spectateurs soient de très bonne humeur et sympathisent franchement avec ce qui se passe sur la scène. Par cette liberté, j'entends l'espèce de plaisir que les acteurs paraissent eux-mêmes prendre à jouer leur rôle. Je n'ai de ma vie vu des personnes qui s'amusassent mieux et qui fissent moins de façon pour montrer leur plaisir que les acteurs qui jouèrent il y a quelques jours aux Français dans les précieuses ridicules. Dans cette occasion, Je crois réellement que l'exécution a gagné par la liberté qu'ils ont prise, et en voici la raison. La scène représente un groupe de personnages dont les uns doivent nécessairement être fort contents de la mystification qu'ils font aux autres. Mais cela n'empêche pas que je n'ai ressenti par moments un peu de roideur anglaise, en voyant sur le théâtre un air de gaieté et de badinage qui paraissait avoir pour but d'amuser autant les acteurs que le public. Cependant, quoique l'exemple que je viens de citer se soit présenté au théâtre français, ce n'est pas là que l'on peut craindre de voir porter ce défaut à un excès choquant. Les petits spectacles feraient bien, en beaucoup de cas, de copier l'étiquette et la décence qui, sous tous les rapports, règnent au Grand Théâtre national. Mais c'est peut-être trop exigé que de le leur demander, et d'ailleurs, on pourra nous dire avec assez de justice de commencer par nous corriger nous-mêmes. Les théâtres, et surtout les petits, me paraissent encore très fréquentés. Mais j'ai entendu faire à Paris les mêmes observations qu'à Londres sur la diminution du goût pour les représentations théâtrales dans les classes élevées. Je crois qu'elle provient de la même cause dans les deux pays, c'est-à-dire de l'heure du dîner, qui fait que pour aller au spectacle, il faut nécessairement déranger toutes ses habitudes. L'opéra, qui commence plus tard, est toujours plein. Et si ce n'était que j'ai vécu trop longtemps dans le monde pour m'étonner des caprices de la mode, quels qu'ils soient, j'aurais vraiment de la peine à me rendre compte comment un peuple aussi gai que le sont les Français puisse aller tous les soirs à un spectacle si parfaitement ennuyeux. Le seul peuple que j'ai encore rencontré qui s'amusa au spectacle d'une manière rationnelle, sans se priver de ce qui lui était agréable, ou souffrir ce qu'il n'était pas pour obéir à la mode, est le peuple allemand. Son amour vrai et universel pour la musique fait que son délicieux opéra est pour lui une des premières nécessités de la vie, et je suis convaincu qu'il faudra que les Allemands changent complètement de nature avant de permettre qu'une sotte élégance de convention, à laquelle certaines personnes croient devoir se soumettre, leur fasse abandonner la musique pour avoir le plaisir de dîner tard. Je croyais autrefois le théâtre aussi cher aux Français que la musique l'est aux Allemands. Mais ce qui n'est qu'un goût en France devient, par suite du caractère national, dans un peuple dont la fibre est plus forte, une passion en Allemagne, et il est plus facile de renoncer à un goût que de vaincre une passion. Peut-être aussi qu'en Angleterre comme en France, s'il arrivait que quelques grands talents parus sur l'horizon théâtral, Paris et Londres se soumettraient à la honte de dîner à 5 heures pour aller l'admirer. Mais l'usage de dîner tard et les mauvais acteurs se sont réunis pour faire tomber dans les deux pays le théâtre au rang des amusements plus populaires que distingués.